Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Bien, très heureux de vous retrouver et aujourd'hui on va ouvrir notre programme avec une pièce du répertoire russe, l'ouverture de Roussian et Ludmila de Mikhaïl Glinka. Alors Glinka, c'est le premier compositeur russe, authentiquement russe on peut dire, parce que avant lui on peut dire que la musique russe était surtout animée par des musiciens occidentaux et parmi les plus célèbres d'ailleurs comme Donizetti et d'autres. Et donc Glinka avait pris d'ailleurs des cours avec John Field, compositeur irlandais qui a longtemps séjourné en Russie. Mais donc Glinka va composer des opéras où il intègre des éléments de la musique populaire russe. Là, les principaux opéras de Glinka sont La vie pour le tsar et puis Roussian et Ludmila, qui est un opéra un peu féerique. Il y est question d'une jeune fille qui est enlevée le jour de son mariage avec un preux chevalier par un nain maléfique, et puis tout se terminera bien. En tout cas, une musique qui va inspirer les compositeurs russes à la suite de Glinka, notamment Rimsky-Korsakov, mais même aussi Stravinsky reconnaissait qu'il avait une dette envers Glinka. Voici la tonique ouverture de Roussian et Ludmila de Glinka, avec l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Sir Georg Scholti. Thank you. L'ouverture de Roussian et Ludmilla de Mikhail Glinka avec l'Orchestre Symphonique de Londres, direction Sir Georg Scholti. Il y a longtemps que je n'ai pas passé dans cette émission la musique de Manuel de Falla, compositeur espagnol, compositeur d'œuvres essentielles comme L'amour sorcier ou La vie brève, et qui a eu l'originalité de composer un concerto pour clavecin dans les premières années du XXe siècle, ce qui n'était quasiment pas arrivé depuis l'époque classique, si je puis dire, l'époque de Jean-Sébastien Bach et de ses fils. Manuel de Falla, c'est donc un nom important de la musique espagnole. Il est né en 1878, il est mort en 1946, et il s'est formé à Paris essentiellement, même s'il avait déjà commencé ses études musicales au Conservatoire de Madrid. Et puis, il a rencontré Debussy, Ducas, qui l'ont fortement influencé, beaucoup impressionné. Et puis, la guerre civile espagnole en 1936 l'a complètement détruit. Il a été tout à fait déprimé. Il a fait une grave dépression suite à cette guerre terrible. Et il s'est exilé en Argentine où il est mort, donc en 1946. Voici une danse espagnole de Manuel de Falla, un peu calquée sur les danses hongroises ou danses slaves, danses hongroises de Brahms, danses slaves de Dvorak, calquées dans le sens où c'est le même esprit. Évidemment, ce sont des musiques qui sont très différentes de la musique de Falla. Voici cette danse espagnole jouée au violon par Pinchas Zukerman et au piano par Marc Necrung. Thank you. Danse espagnole de Manuel de Falla avec Pinchas Zukerman au violon et Marc Necroug au piano. Alors comment entrer dans l'univers de Richard Wagner ? Alors bien sûr, on peut beaucoup apprécier La Chevauchée des Valkyries, page magnifique, page symphonique tirée de l'opéra La Valkyrie, mais aussi on peut apprécier beaucoup les pages plus romantiques de Wagner, si je puis dire, comme la romance à l'étoile de Tannhauser, Les murmures de la forêt de Siegfried, ou encore bien sûr La mort d'Isolde de Tristan et Isolde. Bref, La Chevauchée des Valkyries n'est pas représentative de l'ensemble de l'œuvre de Wagner. Alors il est bien évident que si on veut commencer à entrer dans l'univers de ce compositeur, il faut passer par les ouvertures et préludes, c'est comme ça qu'on commence généralement. Ah bah oui, c'est aussi le but de cette émission, c'est d'avoir une démarche un peu initiatique aussi. Donc les ouvertures et préludes, il y a des pléthores de disques, énormément de disques consacrés à ce répertoire, et des disques magnifiques tous pour la plupart, extraits d'un disque consacré justement aux pages symphoniques de la tétralogie. J'ai sélectionné l'Or du Rhin, l'entrée des dieux au Valhalla de l'Or du Rhin, qui est la première journée de la tétralogie, qui en compte quatre avec par la suite la Valkyrie, Siegfried et le crépuscule des dieux. Et on va écouter l'entrée du Valhalla qui conclut l'Or du Rhin par l'orchestre de Cleveland, dirigé par George Zell. Thank you. Richard Wagner, l'entrée des dieux au Valhalla, tiré de l'or du Rhin, avec l'orchestre de Cleveland, direction George Ezel. Allez, après ce déferlement orchestral, voici une chanson du populaire, du répertoire italien, Mattinata, composée par le compositeur d'opéra Ruggiero Leoncavallo. Et c'est chanté par Jonas Kaufmann, qui adore le répertoire italien, mais on le sait, bien sûr, c'est surtout un grand interprète de Wagner. Allez, on l'écoute dans ce répertoire Mattinata, à la matinée, donc, de Leoncavallo. L'aurora di bianco vestita già l'uscio rischiuda il gran sol, di già con le rose sue dita carezza dei fiori lo suol. Commosso d'un tremito arcano, intorno al creato già par, e tu non ti desti ed in vano sto qui dolente a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantore. Ave, non sei la luce manca, ove tu sei, nasce l'amor. Ave, non ne sei la luce manca, ove tu sei. Mattinata, chanson de Ruggiero Leoncavallo, magnifiquement interprétée, comme toujours, hein, par Jonas Kaufmann. Et puis l'orchestre du théâtre de Palerme était dirigé par Asher Fisch. Un peu Johann Strauss suisse maintenant, répertoire que j'adore. La musique viennoise, c'est magnifique la musique viennoise. Tellement difficile à mettre en place pour les chefs d'orchestre, parce qu'on croit que c'est une musique finalement assez facile à diriger ou même à interpréter pour les interprètes, mais pas du tout. Une musique vraiment compliquée. Et ce répertoire-là a été admiré de très très grands musiciens, comme Johannes Brahms, qui était ami avec Johann Strauss fils. Et on va écouter l'une des plus célèbres valses de Johann Strauss fils, une valse parmi celles que je préfère, c'est Accélération, magnifiquement écrite, avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Riccardo Muti. Enregistré lors d'un concert du Nouvel An à Vienne, c'était Accélération, valse de Johann Strauss-Fils, avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Riccardo Muti. Et on retrouve notre cycle des sonates pour piano de Beethoven. Chaque semaine, je vous propose l'une des 32 sonates composées par Beethoven. Et aujourd'hui, la sonate numéro 17, La Tempête. Alors pourquoi La Tempête ? C'est un surnom qui n'a pas été donné par Beethoven lui-même, comme pratiquement toujours. Mais il y a une anecdote derrière. C'est un ami de Beethoven qui, l'entendant jouer cette œuvre, là, qui venait d'être à peine composée, lui demande la signification de cette sonate. Et Beethoven lui aurait répondu « relisez La Tempête de Shakespeare ». Alors, faut pas plus, hein. Et cette anecdote ayant été rapportée, colportée un peu partout, les éditeurs ont collé le sous-titre « La Tempête » pour cette 17e sonate. On en écoute l'Allegretto, joué par Stefan Kovacevic. Thank you. Allegretto de la 17e sonate La Tempête de Beethoven, interprétée par Stephen Kovacevich. Alors, parmi les œuvres les plus célèbres de la musique classique, les tubes, il y a la petite musique de nuit de Mozart. On ne sait pas trop pourquoi cette œuvre qui appartient au genre sérénade a été composée en 1787, peut-être en prévision du carnaval. Alors, quand on présente la petite musique de nuit, on a une tendance à passer le mouvement le plus célèbre, l'allegro initial, le premier mouvement. Et ben, pour ce matin, on va écouter le rondo final, interprété par l'Orpheus Chamber Orchestra, orchestre américain qui joue sans chef. Thank you. Rondo final de la petite musique de nuit de Mozart interprétée par l'Orpheus Chamber Orchestra, tout au moins les cordes. Tommaso Albinoni, il est connu bien sûr pour l'adagio, mais en fait ce sont des mauvaises raisons, puisque l'adagio d'Albinoni n'est pas d'Albinoni, mais d'un musicologue, Remo Giazzotto, qui dans les années 40 du XXe siècle a retrouvé une basse continue, une ligne de basse continue, et il en a fait l'adagio célèbre. Comme il n'a pas voulu, comme ça pouvait paraître un peu bizarre de composer de la musique baroque en plein XXe siècle, il l'a attribué à Albinoni, mais bien sûr il n'est pas d'Albinoni. Albinoni, il a composé des œuvres absolument remarquables. Il est né en 1671, mort en 1750. On l'appelait il dilettante, le dilettant, parce qu'il travaillait, il n'avait pas besoin de composer pour vivre, il avait beaucoup d'argent par sa famille. Et il a laissé des opéras et puis beaucoup de concertos. Alors voici une transcription pour trompette d'une sonate pour violon d'Albinoni, le final, joué par Alison Balsom à la trompette et le Scottish Ensemble. L'idée de transcrire pour la trompette, ou pour d'autres instruments d'ailleurs, des compositions initialement destinées au violon, c'était très courant à l'époque baroque, alors pourquoi pas de nos jours. Transcription pour trompette d'une sonate pour violon d'Albinoni, jouée à la trompette par Alison Balsom et le Scottish Ensemble l'accompagnait. Victor Herbert, il n'est pas très connu, c'est un compositeur irlandais qui a surtout vécu aux États-Unis, violoncelliste, remarquable violoncelliste, il a dirigé des orchestres militaires, mais pas que, et il y a un disque qui vient de sortir chez Solo Musica qui nous propose la suite pour violoncelle et orchestre de 1884 de Victor Herbert. C'est assez remarquable, une œuvre peu connue qui mériterait certainement de l'être davantage, et sur ce disque également du Gabriel Fauré avec une symphonie en fa qui est en fait de briquet de Brock, des extraits des pages symphoniques de Fauré réunies de briquet de Brock, tirés des masques et bergamas, puisque Fauré n'a jamais composé de symphonie, et puis en complément l'élégie pour violoncelle et orchestre de Fauré. Voici la tarentelle qui conclut cette suite pour violoncelle de Victor Herbert, violoncelle et orchestre, jouée au violoncelle par Mizu, la Sinfonietta Schaffhausen est dirigée par Paul Hogg, et c'est une nouveauté du catalogue Solo Musica. Thank you. La Tarentelle, qui conclut la suite pour violoncelle et orchestre donc de Victor Herbert, avec Mitzoug au violoncelle et le Sinfonietta Schaffhausen dirigé par Paul Hogg. Allez, on va terminer l'émission avec Telemann. On va écouter un concerto de Telemann, concerto pour flûte et violon en mi mineur, adagio et presto par le Collegium Musicum 90. Adagio et presto du concerto pour flûte et violon en mi mineur de Telemann avec le Collegium Musicum 90. Et bien voilà, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 11h pour de nouvelles émissions de Discothèque Classique. Passez une bonne semaine et à très très bientôt, j'espère.